طيب بسم الله الرحمن الرحيم نحن ما زلنا في ذكر بعض القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات Et comme on a dit, on est toujours dans l'évocation de certaines règles concernant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Des règles qu'a évoquées le noble savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen au début de son explication du livre de l'imam Ibn Qudama. لمعتي الاعتقاد طيب qui se rappelle de la première règle qu'on a vue hier? Cette règle là elle n'est pas spécifique pour les noms ou les attributs. Tamam, ça c'est une règle qui est plus globale que cela. Tout ce qui est dans le Coran, on doit le prendre sans vouloir modifier ni vouloir faire expliquer, on doit le prendre selon le sens apparent des textes, à part s'il y a une preuve dans un autre pays qui spécifie ou... La première des règles, c'est une règle relative au comportement à avoir face au texte du Kitab et de la Sunna. Et qu'il est obligatoire et impératif à la personne de prendre le sens apparent des textes lorsqu'il s'agit des noms et des attributs. Il se doit de prendre le sens apparent. Sauf à l'exception, sauf si toutefois il y a un autre dalil, un autre texte qui précise que le but visé de ce verset là n'est pas son sens apparent. On avait pris l'exemple de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Mais les deux mains d'Allah sont largement étendues et il dépense comme il veut. Donc si on prend le sens apparent de ce verset-là, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ala, il a bel et bien deux mains et qu'elles sont largement étendues. Et il ne convient pas que l'on dise que ceci est une métaphore qui a pour sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le détenteur de la miséricorde. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le détenteur de la force suprême. Ça, c'est une modification du texte ou du sens apparent du texte. Et ça sous-entend une parole sur Allah, bila ilm. Ça sous-entend le fait de dire une parole contre Allah Azza wa Jal sans la moindre science. Et ceci est un grave péché. Taïb, donc ça, c'était la première règle qu'a évoquée Cheikh Al-Uthaymeen. Wal qa'idatu thaniya fi asma'illah. Donc la première, elle est globale. Elle concerne les noms et les attributs. Tamam. Là, la deuxième règle qu'il va évoquer, elle est spécifique à quoi? Au nom. Là, on ne parle pas des attributs. Là, on ne va pas parler des attributs, on va parler des noms. Et c'est une qa'ida muhim. Taïb, al-qa'idatu الثانية في أسماء الله وتحت هذه القاعدة فروع. Et en dessous de cette règle, il y a des branches. En dessous de cette règle, il y a des branches. Al-far'u al-awwal, la première des branches, qui revient à cette règle. Asma'ullah kulluha husna. Les noms d'Allah, ils sont tous excellents. Les noms d'Allah, ils sont tous excellents. Tu avais dit la règle en branche, c'est ça? Ouais, en branche. Et là, on est dans la première branche. Des règles relatives au nom. On est dans la première branche. Là, c'est la première des règles. Enfin, c'est la deuxième règle plutôt. Et c'est une règle qui est spécifique au nom. Et en dessous de cette règle, il y a plusieurs branches. La première de ces branches, c'est le fait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous excellents. Ou parfaits. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous excellents ou parfaits. Ay balighatun fil husni ghayata. C'est-à-dire, comme le Uthaymeen dit, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le sommet de l'excellence et le sommet de la perfection. لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى. Car ce sont des noms qui sous-entendent des attributs parfaits, dans lesquels il n'y a aucune diminution, biwajhin min al-wujuh, yani il n'y a aucune diminution, yani biwajhin min al-wujuh, comment on pourrait traduire ça? Ouais, peu importe, yani sous n'importe quelle forme. Sous n'importe quelle forme, il n'y a pas de diminution dans ses noms et dans ses attributs. Tu peux répéter la phrase, c'est vrai? Ce sont des noms qui... Ce sont des noms qui ont atteint le sommet ou l'apogée de la perfection. Car ils sous-entendent des attributs parfaits, dans lesquels il n'y a aucune forme de diminution. طيب يعني كلام هذا الكلام لا بد من الانتباه. Ça c'est une parole, il faut se concentrer parce que il y a une faïda qui est muhimma jiddan par rapport à ça. Lorsqu'on dit que les noms d'Allah, ce sont ceux qui ont atteint l'apogée de la perfection. Tamam. Vous écrivez en annotation à cette parole-là, yani ay balighatun fil husni ghayatuh. Taktubun wa hadha huwa ad-dabit al-'azim. Alladhi idha dubita sulima bihi al-kathir. Donc ça c'est la réglementation. Cette parole-là, c'est la réglementation que celui qui l'a compris, il sera préservé de beaucoup de contradictions dans le chapitre des noms et des attributs. نعم. وهذا هو الضابط العظيم الذي إذا ضبط سلم أو سلم به الكثير من المخالفات في هذا الباب. Donc celui qui a compris cette chose-là, cela lui évitera de tomber dans beaucoup de contradictions dans le chapitre des noms et des attributs. Celui qui a compris quoi, Riyad? Explication. Hein? C'est lui qui a compris quoi et ben t'es là. Naam. Celui qui a compris que les noms d'Allah, ils ont atteint l'apogée de la perfection. Tamam. Enfin, ça, c'est important parce qu'on va, on va voir la faïda qui suit. Taïb. ومن هنا يعلم أن اسم المنتقم أو ذو انتقام ليست من أسماء الله على الإطلاق إن الله عزيز ذو انتقام الله سخت فور وبيسان ذو انتقام ذو انتقام هذا. Est-ce que ça fait partie des noms d'Allah Al-Husna? Zuntiqam, c'est le détenteur de la vengeance. Ça fait partie des noms d'Allah Azza. La Mazbitu, la Mifiel. الله سبحانه وتعالى أثبته في القرآن ولا لا؟ إن الله عزيز ذو انتقام. ليس ما في هذا يعني اسم. ليس اسما. من أسماء الله الحسنى. Pourquoi؟ Parce que الأسماء les noms d'Allah qu'on appelle les noms parfaits. Ce sont ceux qui n'ont pas de rattachement avec quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dhu intiqam ma'aman yastahiq dhalak. Allah subhanahu wa ta'ala, il est détenteur de la vengeance avec celui qui mérite cela. Tamam. Ça veut dire ça là, c'est pas, yani c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas un nom ala l'itlaq. C'est pas un nom en matière absolue. Il est rattaché à quelque chose. Tamam. Et nous, lorsqu'on parle des noms d'Allah Al-Husna, ce sont les noms qui indiquent la perfection sans même une quelconque liaison avec autre chose. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Ali, الماذا المهيمن الجبار كل هذه الأسماء من أسماء الله الحسنى لأنها تفيد الحسن عند الإطلاق car elles indiquent la perfection d'une manière absolue sans que on rattache cette perfection à quoi que ce soit contrairement à le nom ذو انتقام مفهوم. طيب وهذا يعني تحقيق جميل من شيخ العثيمين في قواعد المثلى وغيره من مشايخ الحجاز et ça c'est les conclusions de certains savants comme شيخ العثيمين comme on va le voir dans قواعد المثلى et d'autres savants parmi les savants du Hijaz c'est-à-dire d'Arabie Saoudite le plus souvent. ولهذا تجدون أن الشيخ يحيى لما ألف كتابه البديع المبادئ المفيدة في آخر الكتاب جعل أسماء الله الحسنى وذكر بعض أسماء الله الحسنى. À la fin de son kitab, الشيخ يحيى مبادئ المفيدة, il a évoqué certains noms parmi les noms d'Allah عز وجل. Et tu vois pas dans ces noms-là ذو انتقام. Ni tu vois Dhul Jalal wal Ikram. Ni tu vois Ghayr Dhalak. Ou Jami'un Nasi li yawmin la rayba fi. Na'rif anna Allah subhanahu wa ta'ala Jami'un Nas li yawmin la rayba fi. Lakin al nusammi bi hadha al-ism. Ma nusammi bi hadha al-ism. Tamam? Fa تحفظون هذه لابد faut que ça reste dans l'esprit parce que vous allez trouver que beaucoup de savants Dans ce chapitre, ils commettent des erreurs. Ou, yani cette faïda, elle leur a échappé. Cette conclusion qu'ont fait beaucoup de savants à leur tête, Cheikh Al-Uthaymeen, c'est une conclusion qui échappe à pas mal de savants. Alhamdulillah, comme je le dis, Cheikh Yahya, il n'a pas évoqué Zun Tiqam ou des noms qui y ressemblent parmi les noms et attributs d'Allah Azzawajal dans son livre Mabadi al-Mufida. Cela montre bien qu'il est sur cette qa'ida. Mais par contre, d'autres savants comme Al-Qahtani, c'est un imam qui lui aussi il a un livre dans les Asma Sifat, il a évoqué parmi les Asma al-Husna Zun Tiqam wa Zul Jalal wal Ikram wa Mada wa Ghiri Dhalik. Tamam. Fa Zul Jalal wal Ikram, c'est un nom, yani, mais c'est pas un nom d'Allah Azza wa Jalla al-Husna ala l'itlaq. C'est pas un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière absolue. C'est un nom, il est muqayyad. C'est un nom qui est rattaché à autre chose. C'est exactement comme le nom Nour al-Samawati wal-Ard. Nour al-Samawati wal-Ard. La lumière des cieux et de la terre. Ça, on ne peut pas vraiment dire que c'est un nom, il fait partie des noms d'Allah al-Husna. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché. La lumière du ciel et de la terre. Tamam, il est lié à quelque chose. Amma asma'ullah al-husna, ce sont les noms qui indiquent la perfection d'une manière absolue, sans rattachement. Tayyib. Wa ma huwa ismullah al-a'zam ya Makkah. C'est quoi le nom d'Allah Azza wa Jalla le plus important? Réfléchis bien. Ouais. Allah alam. Allah. Naam, ahsan. Ou Allah. C'est Allah, Azza wa Jal. Le nom le plus important d'Allah Azza wa Jal n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. Naam. Ce n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire en fait ce que tu nous dis là. C'est comme un nom attribué, on va dire. C'est un peu ça. C'est un nom, en fait, qui nous donne l'attribut directement. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, qui nous ramène vers l'attribut. Ahsant, ya Mohamed, ahsant. Masha'Allah, ça c'est une faïda, yani, subhanallah. Ça, c'est une kalam, sahih. Qu'en vérité, quand tu vois, maintenant, d'où, kada wa kada. D'où, ça veut dire quoi? D'où, c'est le détenteur. Donc ce qui va venir après, c'est un attribut. Le détenteur, par exemple, si tu dis le détenteur de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat An'am, je crois. Rabbukum dhu rahmatin wasi'atin. Hein? Dhu rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dhu rahma. Est-ce que ça veut dire que dhu rahma, c'est un des noms d'Allah azza wa jalla al-husna? Là. Tamam. Lakin, c'est une indication sur comme quoi il détient la rahma, l'attribut. Tamam? Naam. Fahadi fa'ida jalila. Yani, on a publié, on a édité des livres d'un des mashayikhs du Yémen sur les noms et les attributs. Voilà, et lorsqu'on l'a publié et qu'on l'a propagé à droite à gauche, il y a des frères, parmi les tullab al-ilm, al-mustafidin, ils m'ont dit, ce cheikh-là, mashallah, il a du khair, ok, là, lakin, fi bab al-aqida, ou fi bab al-asma wa sifat, ma hu bi qawi. Il dit, qu'est-ce que c'est ce khabar? Comment tu dis qu'il n'est pas fort? Qal, hu ja'ala fi kitabihi al-asma Allah, il a mis Zuntiqam. Il a mis parmi les noms d'Allah Zuntiqam. Il a mis aussi Jami'un Nas, Liyoum Illa Raybahi. Il a mis aussi ماذا أظن المنتقم أو غير غير هذا من الأسماء. Et en vérité, lorsque tu approfondis ta maîtrise dans la science des noms et des attributs, tu vois que ceci c'est une erreur. Et que les noms d'Allah, les noms Al-Husna, ce ne sont autres que les noms qui indiquent l'excellence et la perfection d'une manière absolue, sans qu'ils soient rattachés à une chose. Tamam. Tayyib. لكن هناك حديث يعني حديث de Anas ibn Malik qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il a entendu un homme dire alors qu'il était dans sa prière اللهم إني أسألك بأنك أنت الله بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام إلى آخر الحديث. Et le prophète صلى الله عليه وسلم juste après il dit: est-ce que vous savez par quoi il a invoqué Allah? Après ils ont dit les compagnons: Allahu a'lam. فقال إنه دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا استدعي وإذا سئل به أعطى. Il a certes invoqué Allah par son nom le plus élevé, par le meilleur de ses noms. Le nom que si on l'invoque par celui-là, par celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala te donne et il répond à ton invocation. Donc là, dans ce hadith, on voit bien que la personne, elle a évoqué Allah et elle l'a appelé par le nom Ya Dhal Jalali wal Ikram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas un cas. C'est à cause de ce hadith-là que certains savants, ils ont mis Dhul Jalali wal Ikram wa Badi'u Samawati wal Ard fi Dhamni al-Asma al-Husna. Comment tu réponds à ça? Il a dit l'isme, il a dit l'asma. Là, il y a plusieurs noms qui sont sortis. Malgré tout, le prophète sallam, il a dit, il a invoqué Allah par son nom le plus élevé. Si tous ces noms-là, qui ont été évoqués dans le hadith, c'était vraiment des noms d'Allah azzawajal, le prophète sallam, il aurait dit, لَقَدْ دَعَ اللَّهُ بِأَسْمَائِهِ. Il a certes invoqué Allah par ses noms. Mais dans le hadith, il dit, il a invoqué Allah par son nom. Et c'est quoi le nom par lequel il a invoqué Allah? Allah. Oui, mais dans le hadith, il a invoqué par son nom le plus élevé. Ouais. S'il aurait dit au pluriel, il n'aurait pas pu dire aux sahaba c'est lequel le nom élevé dedans, tu vois. Peut-être qu'il voulait leur indiquer c'était lequel le nom le plus élevé, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas compris. En fait, là, dans le hadith, t'as dit que il a dit au sahaba que là, cet homme, il a invoqué par le nom le plus important. Ouais. Mais si il aurait pris au pluriel, il n'aurait pas pu dire au sahaba c'était lequel le nom le plus élevé, tu vois. Ça y est. Peut-être il voulait indiquer c'était par quel nom l'homme, en fait, il a. Mais justement, il n'a pas indiqué. Il a laissé mal. Parce que là, par exemple, dans ce hadith-là, certains ils vont dire que c'est le nom le plus important, c'est Dhul Jalali wal Ikram. D'autres ils vont dire, parce que c'est Hayy al Qayyum. C'est ce que je veux dire. Naam. Enfin, al-Shahid, anna, celui qui veut parler d'une parole droite et juste dans le chapitre des Asma wa Sifat, lorsqu'il dit que Dhul Jalali wal Ikram, il fait partie des noms et attributs, il fait partie des noms, soit il dit, il fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal al-Muqayyada, les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont limités, qui sont Muqayyada, qui sont reliés à quelque chose. Tamam. Ou soit il dit que ça ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal al-Husna, wa yastarih. Comme Cheikh Yahya il a fait dans son livre Mabadi al-Mufida, en exemptant d'évoquer Dhul Jalali wal Ikram wa Dhul Intiqam wa ghayri dhalik. Na'am. Fa taktubun Ouais. Taïb. Donc, ذو انتقام ليست من أسماء الله على الإطلاق. Le nom détenteur de la vengeance, ceci ne fait pas partie des noms d'Allah d'une manière absolue. وإنما هي مقيدة. Mais au contraire, elle fait partie des noms qui sont مقيدة, qui sont limités ou reliés à quelque chose. En l'occurrence, مُقَيَّدَ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الْإِنْتِقَامِ. En l'occurrence, il est relié, c'est-à-dire Allah, il est détenteur de la vengeance pour celui qui mérite la vengeance. Et en fait, il ne se venge pas d'une manière absolue, c'est-à-dire avec tout le monde. C'est un complément dans l'éducation. Ouais, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte. Voilà, c'est pour voilà, naam. Voilà, c'est pour détailler un peu plus, naam. طيب. نعم. واسماء الله وتكتبون واسماء الله ما افادت الحسن عند الاطلاق. Ça c'est à retenir. Les noms d'Allah, ce sont les noms qui indiquent l'excellence d'une manière absolue. Ce sont les noms qui indiquent l'excellence d'une manière absolu. Ma afadat al-husn 'ind al-itlaq. طيب ثم قال الشيخ العثيمين مثال ذلك الرحمن فهو اسم من اسماء الله تعالى. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il explique ensuite, il dit Ar-Rahman. Ar-Rahman, ça c'est un nom parmi les noms d'Allah, parmi les noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. Dallun ala sifatin azima, hiya ar-Rahma al-Wasi'a. Et c'est un nom qui indique un attribut énorme qui n'est autre que la vaste miséricorde. Wa min thamma na'rif annahu laysa min asma' Allahi. Et on prend aussi de cette parada que le temps ne fait pas le temps, le mot le temps ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Le temps, comme c'est venu dans le hadith, Inna Allah huwa ad-dahr. Certes, Allah est l'époque. C'est un hadith authentique, apporté par l'imam al-Bukhari. Muslim. Muslim. Bukhari wa Muslim. البخاري ومسلم البخاري ومسلم متفق عليه نعم متفق عليه ف يعني هذا الحديث صحيح الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو الدهر سيغت الله et l'époque le temps. Est-ce que ça veut dire que Allah سبحانه وتعالى sont parmi ses noms le temps هاريا لا لماذا؟ Pourquoi tu dis que c'est pas le temps, il fait pas partie des noms des noms parfaits d'Allah? Parce qu'il n'indique pas l'excellence. Parce qu'il n'indique pas l'excellence. Le temps, ma fille, y a ni chez min al husn. Tamam? نعم. وكان أحد المشايخ عليه رحمة الله في دمشق كان يقول أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الفاتن. Celui qui éprouve. وهل هذا من أسماء الله الحسنى؟ لا. Ça aussi, ça fait pas partie des noms et attributs des noms d'Allah عز وجل. نعم. فهذه قاعدة. Comme on vous l'a dit au début, celui qui l'a compris bien comme il faut, يسلم من مخالفات كثيرة. Il sera préservé de tomber dans beaucoup de contradictions. Ça va? Non. Donc, le temps ou l'époque n'est pas un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. Pourquoi? Parce qu'il n'atteint pas un sens qui indique l'apogée de l'excellence. فأما قوله ولا تسب الدهر فإن الله هو الدهر فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Et donc il dit, mais au sujet du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'insultez pas le temps, car certes Allah est le temps, ça sous-entend, ou ça signifie, car certes Allah est le maître du temps. Celui qui l'a créé, celui qui fait ce qu'il veut avec. Mais ça ne veut pas dire que c'est un de ses noms et attributs. Tamam. Hadi, Faidatun Jalil. Tamam.